Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de 84 $ par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, 91 $ par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 88-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut. Jacques, on a appris cette semaine, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle. Moi, je suis content puis déçu en même temps. Je suis content parce que le match entre les Blue Jays reviennent pour une autre année, mais déçu parce que moi, j'avais mis en 2016, j'avais dit que 2020, les Expos revenaient. Donc ça veut dire que c'est décevant un petit peu de ce côté-là pour moi. Ben écoute, on va voir ce qui va se passer d'ici là. Il y a bien des choses qui peuvent se passer au cours de l'hiver. Hein. Oui, effectivement. Lorsqu'il va y avoir les assises, puis il va y avoir des rencontres, parce que le commissaire du baseball en a marre de voir les petites assistances qu'on a chez les Rays. Et puis, il va falloir que quelqu'un agisse, qu'il mette son pied à terre à un certain moment. Ben, c'est clair, mais ce ne sera pas pour 2020. Moi, je pense que l'an prochain, ça peut être pour 2021. Possiblement. Faut pas mettre la charrue en avant des bœufs, Danny. Oui, effectivement. Effectivement. Puis, tu sais, c'est bien beau de dire qu'ils s'en viennent, là, mais il y a des préparatifs à faire ça. Il va falloir trouver des gens de baseball qui vont opérer la concession pendant 3 mois ici. Il y a beaucoup de choses à regarder. Jacques, je ne crois pas à ça du tout. Moi. L'histoire des gardes partagées, je pense que l'association des joueurs n'a pas dit encore vraiment son mot là-dedans. C'est ça qui va bloquer ça. Là. On verra bien. Mais ça, encore une fois, là, ça ne donne rien de faire des projections tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a aucune décision qui sera arrêtée. Ouais. Mais les Yankees Blue Jays, même si c'est un lundi, tu peux mettre au moins 30-35 000 facile, hein? Ben, ça serait le fun si les Yankees arrivaient ici au mois de mars prochain comme un champion de la Série mondiale. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ne se rendront même pas en Série mondiale, malheureusement, pour la publicité, là. Mais oui, l'arrivée des Yankees, c'est évident que ça va susciter plus d'intérêt que les dernières années. En semaine, c'est évident que les États voisins, c'est comme le Vermont et l'État de New York, il va y avoir beaucoup de gens qui vont affluer vers le stade, en plus de l'intérêt que les amateurs de baseball au Québec ont pour les Yankees. On les aime ou on les déteste. Là, il n'y a personne qui est vraiment indifférent lorsqu'on parle des Yankees de New York. Alors, je pense que ça va être aussi un nouvel élan pour éventuellement accueillir une nouvelle concession de baseball majeur à Montréal. Est-ce que c'est la dernière année de ces matchs-là? Parce que je pense que c'est un peu comme les Canadiens à Québec avec les Nordiques. Je pense que ça a une date de péremption. Il va falloir passer à d'autres choses à un moment donné. Là. Mais je pensais que la dernière année avait été au mois de mars cette année. Ouais. Et puis soudainement, c'est réveillé. Le contrat avec Vinco finissait. Là. Mais je pense qu'on n'a pas parlé d'une entente à long terme là-dessus. Là. J'ai aucune idée. Je suis pas dans le secret des yeux, Danny. D'abord, j'ai été surpris de voir qu'on aurait du baseball au mois d'avril au Stade olympique cette saison. Je m'y attendais pas. OK. Donc, on va suivre ça d'après. Évidemment, j'ai hâte de voir... Évidemment. Oui, comment il va y avoir de monde. Jacques, avant de parler des séries, il y a l'actualité du baseball qui parle, évidemment. Et là, à Philadelphie, le nom de Buck Showalter revient. Buck Showalter, c'est un... Il me semble que ça marcherait bien avec les Phillies, ça. Ben, c'est un bonhomme qui, habituellement, a la réputation. Lorsqu'il arrive à la tête d'une nouvelle équipe, ça va rondement. C'est après 5 ans où, là, ça commence à se détériorer. Alors, ce ne serait pas... Écoute, c'est tout un homme de baseball, Buck Showalter. Sa réputation n'est plus à faire, comme celle de Madden, là, qui vient d'aboutir à Los Angeles avec les Angels. C'est un gars dont la réputation, il n'y a personne qui va mettre ça en doute. Là. Ça serait un bonhomme pour eux, mais est-ce qu'on va y aller avec un vieux de la vieille? Oui. Ou si on va y aller avec L'expérience avec Kapler n'a pas été vraiment bonne. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres jeunes éléments qui pourraient se greffer à l'organisation des Phillies pour relancer et espérer aller plus loin cette saison, saison prochaine. Les éléments sont très intéressants du côté des Phillies. Là. Je veux dire, peut-être que l'arrivée de Schwarter, ça prend un gérant avec beaucoup d'expérience. Possiblement, oui. Oui, effectivement. Du côté de New York, les Mets, on parle de Joe Girardi. Ben écoute, Joe Girardi, moi je pense que son cœur balance entre les Mets et les Cubs de Chicago. Oui. Parce que si tu te souviens bien, à un certain moment, alors qu'il était gérant des Yankees, son contrat il était à échéance. Et on avait mentionné son nom vraiment comme candidat sérieux à la direction sur le terrain des Cubs de Chicago. Alors, c'est un bonhomme de baseball, écoute. Il a fait ses preuves comme joueur et comme gérant. Alors, mais j'ai été surpris, Danny, de voir que les Angels avaient déjà annoncé Madden, parce que habituellement le baseball majeur demande aux équipes de retarder toute annonce majeure jusqu'à la fin de la Série mondiale. Okay. On ne veut pas nuire au déroulement par des intérêts ou des nouvelles qui viennent de l'extérieur. On veut vraiment que la population, les amateurs de baseball, se concentrent sur la Série mondiale, oublier les autres nouvelles. OK. On va maintenant parler du côté des... Ça n'a pas été long, la série. Il me semble que ta saison a pris le bord assez vite. Ça a été assez brusque comme fin, oui. Quatre matchs. Écoute, l'attaque des Cards de Saint-Louis s'est complètement effondrée. Ouais. On peut lever son chapeau à la qualité des lanceurs du côté des Nationals, mais on joue à pile ou face, il y a deux côtés à la médaille. Hein? Ouais. Il y a le bon côté, les lanceurs ont été incroyables, mais il y a le mauvais côté, c'est que les lanceurs n'ont pas trouvé solution au tir que les lanceurs partants ou les lanceurs de relève des Nationals leur offraient. Et ça a été très décevant, surtout avec Goldschmidt et les frappeurs de troisième et quatrième rang n'ont absolument rien fait. Puis c'est le cas de la formation. Dans cette série-là. Puis habituellement, c'est des gars qui doivent produire des points, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été neutralisés de façon complète par les lanceurs des Nationals. OK. Et évidemment, et dans l'autre série... Les Yankees, est-ce que probablement que ça va se terminer ce soir? Ben, écoute, il va falloir qu'il y ait certains éléments du côté des Yankees. Hier, deux fois, ils ont laissé les buts remplis. Mmh. Ouais. Sans marquer un seul point. Puis ça, c'est pas la marque de commerce des Yankees de New York. Là, habituellement, quand tu en trouves la porte, eux défoncent. Mais faut dire que les lanceurs des Rays, pas des Rays, mais des Astros, c'est des lanceurs de très grande qualité. Et je serais surpris que ça se termine ce soir, mais peut-être un autre match. Dimanche à Houston pour terminer ça. Oui. Jacques, un gros merci. On s'en reparle durant l'hiver pour l'actualité dans le baseball. Parfait, mon ami. Salut. Collaborateur Jacques Doucet.